Bonjour à toutes et tous, c'est l'heure du MAG, votre rendez-vous quotidien avec tout ce qui fait l'actualité locale. Aujourd'hui, direction Chaumont-sur-Loire, où nous sommes allés rencontrer Ophélie Lecause, assistante presse au domaine, pour en savoir plus sur l'événement du moment à ne pas manquer, les Nocturnes au Jardin. L'occasion pour nous d'échanger aussi avec Daniel Driancourt, responsable du service Jardin, Arthur Grelet, coordinateur du montage du Festival des Jardins et des Lumières des Nocturnes, et puis également de Julien Péquin, technicien jardinier qui œuvre également sur la partie technique de la mise en lumière des jardins. Avec plus de 500 000 visites par an, le domaine régional de Chaumont-sur-Loire relève chaque année un défi de taille, honorer la nature, la culture et le public. Depuis 1992, le Festival international des jardins est un rendez-vous incontournable pour les amoureux de nature, de création, d'imaginaire. Des œuvres magnifiques réalisées par des paysagistes, des scénographes, des jardiniers, et avec toujours cette volonté d'offrir à de jeunes talents du monde entier l'occasion de démontrer leur talent et leur créativité. Notons que depuis un petit peu plus de 30 ans, ce ne sont pas moins de 900 jardins qui ont été créés, inspirant ainsi les jardins de demain. Si la visite invite déjà à l'émerveillement en journée, les Nocturnes au Jardin offrent une occasion exceptionnelle de faire de la balade une expérience sensorielle et contemplative incomparable à la nuit tombée. Reportage. Bonjour, je m'appelle Arthur Grelet, je suis jardinier et technicien au domaine de Chaumont. Et nous sommes auprès de l'œuvre de Philippe Berthomé, donc en plein milieu du Festival international des jardins. C'est l'édition combien ? C'est la 33e édition du Festival des Jardins cette année, sur une nouvelle thématique, encore une fois, avec l'idée de pouvoir promouvoir un petit peu toute cette partie biodiversité et l'avenir de nos jardins. Alors cette thématique, c'est laquelle ? Source de vie. Voilà, j'ai mes collègues qui sont juste à côté de moi qui essaient un petit peu de me souffler parce que j'ai tendance à un petit peu de fatigue. On arrive. On remercie Ophélie. Ophélie et Daniel, mon responsable qui est juste à côté justement, qui me permettent un petit peu de pouvoir me rappeler. Parce qu'on est un petit peu fatigué, on est en milieu de saison, on a eu un petit peu de chaleur, on a eu un peu de pluie. Donc on a fait un petit peu avec les aléas, on va dire, de la nature, ce qui est chouette, mais on est un petit peu fatigué. Donc voilà, on a une belle édition qui s'offre à nous, en tout cas cette année, avec 30 jardins qui ont été sélectionnés, qui ont été une idée de source de vie à chaque jardin. Et aujourd'hui, on propose ces 30 jardins et on sait les amener de différentes façons et différentes manières de l'exprimer. Et vous, Arthur, ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Ça fait 11 ans que je travaille ici. Alors, je n'ai pas évolué toujours au même endroit parce que le domaine est divisé par secteur. On a le secteur château, le secteur festival. On a le secteur du Gualou, qui est un nouveau parc, et l'hôtel, qui fait partie aussi de ce magnifique site, qui est tout nouveau, tout neuf. Et donc, justement, alors j'ai commencé du côté château et je me retrouve maintenant aujourd'hui du côté festival, où j'ai la chance de pouvoir un peu évoluer et de faire d'autres choses. J'ai évolué un petit peu dans le temps, donc voilà. Une chance évidemment. Alors on parle de 30 jardins, ça représente quelle superficie le domaine ? Au total, on a 35 hectares, ce qui est énorme. On a largement de quoi maintenant faire une visite sur 2 jours, pour vous dire. Ces 30 jardins, ils ne sont pas que 30 jardins, parce qu'autour, on a aussi de l'art contemporain, on a aussi un site historique qui est le château de Chaumont-sur-Loire, quand même, qui surplombe cette magnifique Loire. Et... D'ailleurs, on pourrait peut-être faire une petite parenthèse sur l'histoire de ce château. Oui, un château de dames, quand même, avec Catherine de Médicis, qui était une des plus grandes ferventes de ce château, et qui finit aussi avec Marie-Chalotte de Béguincé, donc de la sucrerie Béguincé, qui a terminé sa vie à Chaumont-sur-Loire, même son cercueil, son corps repose encore à Chaumont-sur-Loire, sur son beau village. Il y a aussi un cimetière de chiens, je crois. On a aussi un cimetière de chiens, où on peut retrouver donc tous ces cimetières avec ces chiens de roi. On peut retrouver aussi Miss Pungy, donc l'éléphante qui a vécu une petite partie à Chaumont-sur-Loire. Voilà, offert par les Marajas, on avait les plus belles fêtes de France à Chaumont-sur-Loire. Quelle chance. Alors à côté de vous, Arthur, il y a Julien qui se fait discret mais qui est aussi une des mains travailleuses de ce domaine, de ces jardins. Bonjour Julien. Bonjour. Alors votre fonction, Julien, c'est quoi ? Eh ben en fait, j'assiste Arthur lors du montage du festival et pour les nocturnes aussi. Très bien, alors là on est face justement à une œuvre qui, et on le disait hors antenne, est aussi belle à admirer de nuit lors des nocturnes, avec tout l'éclairage qui s'y prête bien évidemment, et autant de jours. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de cette œuvre ? C'est un chandelier, on a réalisé ça avec Philippe Berthomé qui nous a été d'une grande aide et avec qui on a collaboré pour faire ça. Et il a été sponsorisé par la cristallerie Saint-Louis. Et du coup, on a réalisé ça ensemble en réutilisant une ancienne structure qu'on avait d'une édition précédente. On a refait des modifications avec Philippe. Et après, c'est lui qui a installé toutes les ampoules, la cristallerie, tous les verres pour que ça ressemble à ce qu'il voulait faire. Philippe Berthomé, qui est-il ? Philippe Berthomé, c'est un éclairagiste de théâtre et d'opéra, qui fait même plus que de l'éclairage, il souffle aussi ses propres ampoules, qu'on peut en plus retrouver sur ce site. Justement, on a un spot dans une serre, on voit pendant la balade, justement, trois de ces ampoules qui ont été soufflées, et on a une douzaine d'ampoules qui sont en plus éclairées avec de la LED sur du solaire. Donc, ce qui est assez intéressant, parce qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais on fait partie des sites qui cherchent aussi à faire, on va dire, un éclairage dit hybride entre l'éclairage solaire et l'éclairage avec de la diode électroluminescente qui est de la basse consommation. Donc on est quelque part vertueux par cet éclairage. Et donc Philippe Berthomé a voulu aussi travailler sur ces deux facettes, donc l'éclairage du solaire, justement sur cette entrée du Festival des Jardins, et qui est justement très intéressant à voir parce qu'on le découvre peut-être pas en rentrant, mais par contre on le découvre en sortant parce que ça se déclenche quand la nuit tombe complètement et on découvre ces ampoules qui viennent s'illuminer de mille feux. Philippe les a soufflées lui-même et les a complètement intégrées dans le jardin, avec l'idée de pouvoir découvrir des pièces complètement uniques. Voilà, donc c'est plus qu'un éclairagiste, mais un vrai artiste à part entière. Combien de temps ça demande l'installation d'une œuvre comme celle qu'on a sous les yeux ? Il y a eu à peu près une semaine de fabrication, on va dire, et puis deux ou trois jours d'installation dans le bassin qui est là. Donc on l'a dit, 30 jardins, tous ne vont pas être éclairés lors des visites nocturnes, Arthur ? Non, tous les jardins ne sont pas éclairés alors. Parce qu'il y a plusieurs choix, enfin, en tout cas il y a une sélection qui est faite en partie par la directrice et par les équipes des jardiniers. On fait des propositions sur des jardins qui sont accessibles déjà de nuit, ce qui permet justement de pouvoir profiter des jardins en toute sécurité, c'est la première chose. Et après on cherche aussi toute la partie structurelle du jardin, ça veut dire qu'on va mettre en ponctuation ce qu'on ne va pas voir de jour par exemple, on ne va pas faire attention. L'idée aussi de découvrir les jardins de nuit, c'est aussi de ne pas découvrir ce qui se passait en jour, ça veut dire qu'on redécouvre complètement autre chose, donc je dirais aux gens de profiter justement de venir le soir parce que même si on l'a vu de jour, on verra pas du tout la même chose de nuit avec des ambiances bien différentes parce que de nuit on aura aussi cette fraîcheur qui va arriver et on va avoir toutes les senteurs des plantes qui vont arriver jusqu'à notre nez et on va profiter des moments un peu uniques dans le jardin parce que c'est beaucoup plus calme, les gens chuchotent, on a un petit aspect un peu enchanteur et donc on va profiter de cette promenade qui regroupe après une quinzaine de tableaux qui sont assez incroyables à voir, où on va avoir des jardins très colorés ou des jardins beaucoup plus simples, où on va pouvoir ponctuer ces quelques plantes ou ces magnifiques structures qui ont été installées pendant ce festival. Alors comme tous les gens passionnés, vous en parlez d'une telle manière qu'on a envie de venir voir les jardins en nocturne. Et au niveau des thèmes, comment ça se définit ? Qu'est-ce qui décide que cette année, ça va être tel ou tel thème ? Alors, les thématiques du Festival des Jardins sont réfléchies au préalable par notre directrice, Chantal Colle-Dumont, qui, elle, généralement réfléchit sur des thématiques d'avenir. Ça veut dire qu'on essaie toujours de proposer des jardins où les gens vont pouvoir piquer des idées et surtout éduquer à une nouvelle façon de jardiner. Ça veut dire qu'on va l'idée de proposer des jardins où les gens vont pouvoir découvrir de nouvelles manières, ou de nouvelles façons en tout cas, de faire son jardin et de voir comment les jardins peuvent évoluer dans le temps et de s'adapter aussi à nos températures, à notre façon aussi de vivre aujourd'hui et justement de ne pas non plus trop vouloir absolument adapter les plantes à ce qui se passe en ce moment au réchauffement climatique, mais justement de faire beaucoup plus attention à ce qui se passe dans le jardin pour justement que la température ne monte pas plus. Eh oui. Alors comment on fait pour venir visiter les jardins ? Est-ce qu'il faut réserver au préalable ? On a vu en arrivant une organisation qui est très très bien calée, des personnes qui sont là pour guider les parkings, pour guider les entrées. Alors le soir, est-ce qu'il y a autant d'afflux ? Alors le soir, on a du monde. De réserver, ce n'est pas une obligation, mais c'est bien de s'y préparer en tout cas en avance et de venir avant ouverture, ce qui permet de pouvoir prendre sa place assez rapidement. On vient tout juste le soir, un petit peu avant 21h30, avant ouverture. On vient récupérer son ticket et on a accès au jardin jusqu'à minuit, ce qui permet de pouvoir profiter pleinement d'une belle soirée. Et puis c'est une super sortie à faire en famille aussi parce que les enfants adorent se balader dans les allées de ce parc. Ces jardins en nocturne sont visibles jusqu'à quand ? Donc on peut visiter ces nocturnes jusqu'au 31 août, ce qui permet de pouvoir profiter de la fraîcheur de l'été. Par contre, le Festival des Jardins, lui, reste ouvert jusqu'au 4 novembre, ce qui permet de pouvoir profiter encore jusqu'à ces dates-là avec plein d'événements qui vont venir en plus autour se greffer. On va avoir de l'art floral, donc avec des grands noms de l'art floral, qui sont des MOF, des meilleurs ouvriers de France. On aura aussi une très belle exposition, en tout cas, de plantes à vendre, qui sont des plantes botaniques. Donc justement, c'est cette thématique des botaniques, où on retrouvera plein de pépiniéristes qui vont proposer des plantes extraordinaires. C'est pas la fête des plantes de Monsieur Tout-le-Monde, c'est justement une fête des plantes qui va permettre justement aux chevronnés et aux moins chevronnés de pouvoir découvrir des plantes extraordinaires qui ne sont pas connues de tout le monde. Eh bien, merci beaucoup, Arthur. Merci à vous. Merci en tout cas d'être venu au domaine de Chaumont. Puis avec plaisir de pouvoir accueillir tout le monde sur ce beau site. Eh bien, merci. J'avais quand même envie de donner la parole aussi à Daniel, qui est le responsable des jardins. Est-ce qu'ils ont bien parlé, Arthur et Julien ? Bonjour, oui. Alors, Arthur et Julien, ce sont deux personnages qui font partie d'une équipe dont je vais vous parler après et qui parlent beaucoup, c'est vrai. Mais ils sont très efficaces. En fait, ils sont très enthousiastes. Arthur et Julien font partie d'une équipe de 22 jardiniers, jardinières, apprentis, saisonniers. Aussi, on a avec nous des institutions qui viennent nous aider. Donc, le jardin ici est un jardin extraordinaire, c'est vrai. Vous pouvez passer un moment inoubliable à Chaumont. Mais il est aussi composé de jardiniers extraordinaires, très motivés. Et pour compléter un peu ce que disait Arthur, effectivement, on peut y passer la journée à Chaumont. C'est ouvert toute l'année. Alors, effectivement, durant tout l'été, vous avez l'exposition du festival. Donc, 30 jardins, un thème. Le soir, vous avez les nocturnes. Et une fois que le festival est fermé, eh bien, vous avez aussi le parc historique qui reste accessible, le château, l'art contemporain dans le parc. Et sachez qu'au mois de novembre, décembre, il y a toujours des très belles lumières ici. Le château surplombe la Loire, comme disait Arthur. Et nous avons des effets de brouillard et de brume. Enfin, la Loire est connue pour ça. C'est un endroit extraordinaire. Moi, je vous invite à venir passer un peu de temps avec nous. Ce sera avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Daniel, pour ces quelques mots. Une personne que nous n'avons pas entendue, c'est Ophélie. Bonjour. Bonjour, quelle est votre fonction ? Moi, je suis assistante au service relations presse avec Sandrine Mao, qui est la responsable. Donc, ça fait 3 ans, si je ne me trompe, que vous êtes dans l'équipe de Chaumont. Ça fait 3 ans que je suis à Chaumont, j'ai fait 2 ans en tant que guide et cette année, je suis avec Sandrine. Alors, ça consiste en quoi, votre travail d'assistante presse ? Eh ben, ça consiste à accueillir les journalistes, à venir sur le domaine pour promouvoir le festival, le château, l'art contemporain, tous les événements qu'on organise au fil de l'année. Donc, je suis là pour encadrer ces visites et accueillir les journalistes et les aider dans leurs visites. En tout cas, vous le faites très bien parce que l'accueil a été parfait. Ça vous manque pas un petit peu de guider le public ? Non, parce que maintenant je guide les journalistes, donc c'est pas plus mal. C'est un autre guidage, mais c'est tout aussi intéressant. Ça vous arrive encore quand même de faire guide pour les visiteurs et pas que pour les journalistes ? De temps en temps, quand on croise les visiteurs sur le terrain, ils nous reconnaissent parce qu'on a le badge, donc ils viennent nous poser des questions et c'est avec grand plaisir que je leur réponds. Et concernant les nocturnes, j'aime à leur dire qu'il faut faire 2 fois le tour, c'est-à-dire que les jardins sont visitables en nocturne de 22h à minuit. Et c'est toujours bien de faire un premier tour où il ne fait pas complètement nuit, donc on découvre les jardins, mais on distingue encore beaucoup d'éléments. Et quand il fait bien nuit après le premier tour, on refait un second tour, et cette fois il fait vraiment complètement nuit, et on voit l'éclairage qui change à nouveau. Donc c'est 2 tours qui sont différents à chaque fois. Alors pour les auditeurs de Radioactive, Ophélie, pourquoi est-ce qu'il faut absolument venir découvrir les jardins de Chaumont, que ce soit de jour ou de nuit ? Parce que c'est des inspirations que les visiteurs peuvent venir puiser ici. C'est apaisant, on se repose, on est vraiment ailleurs quand on vient à Chaumont. On est dans une bulle végétale, on vient chercher des idées, de l'inspiration. On a toujours des belles couleurs et peu importe la saison, en fait on peut revenir dans une même année, on peut revenir plusieurs fois visiter les jardins parce que les jardins évoluent au fil de la saison. Donc en avril ou en mai, les jardins seront d'une certaine manière et en août, ils seront encore beaucoup plus évolués. Et en septembre, octobre, on aura les belles couleurs de l'automne. Donc c'est un spectacle toute l'année. Vous savez la part de visiteurs qui sont des locaux qui viennent visiter Chaumont, parce qu'en fait, comme vous le disiez, on peut y venir à n'importe quel moment, n'importe quelle saison. On redécouvre sans cesse ce domaine. Alors, j'ai pas les chiffres précis, mais je sais qu'il y a énormément de visiteurs locaux qui viennent et qui reviennent chaque année. Locaux ou pas locaux, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui viennent depuis 30 ans. Depuis que le festival existe, on a des fidèles, on a des visiteurs qui reviennent. On les croise et ils nous disent ça fait 10 ans qu'on vient, ça fait 20 ans qu'on vient. Donc, ça fait toujours plaisir de les croiser et de voir qu'ils sont fidèles au festival et qu'ils apprécient toujours autant ce domaine après toutes ces années. Eh bien, merci à tous les quatre. Merci Ophélie, merci Daniel, merci Julien et Arthur pour votre accueil ce matin et on souhaite beaucoup de succès, beaucoup de visiteurs au jardin de Chaumont. Merci. Au détour des allées du domaine de Chaumont, nous rencontrons Christelle et Nathalie, des visiteuses à qui nous avons posé quelques questions afin de recueillir leurs impressions. Nous sommes en compagnie de 2 visiteuses de ces jardins du domaine de Chaumont. Pouvez-vous vous présenter, mesdames ? Alors Christelle, j'habite à Vouvray. Nathalie, j'habite à Rouen, en Normandie. Très bien, donc une locale et une visiteuse, une touriste, c'est finalement. Est-ce que c'est une découverte aujourd'hui, ce domaine ? Alors, pas pour moi, parce que je viens régulièrement, donc tous les ans, parce que bon, j'adore faire cette visite. Et il y a des nouveautés tous les ans, donc c'est toujours différent. Donc, mais c'est une découverte pour cette année, en tout cas. Voilà. Et vous, vous venez de Rouen exprès ? Alors, je viens de Rouen pour rencontrer mon ami d'enfance, qui a eu la bonne idée de nous emmener voir ce jardin. Donc, c'est plein de surprises, c'est magnifique. On se régale à chaque petite expo. Non, c'est super, une belle réalisation. Puis comme c'est international, on voit que tous les pays, toutes les équipes se sont exprimées. Il y a plein d'inventivité, d'imagination, de trouvailles. Voilà. Alors là, justement, on est juste devant l'œuvre phare, comme le disait tout à l'heure un des jardiniers. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire de cette œuvre qui est sous nos yeux ? Ça brille. Oui, c'est surprenant. Ça fait penser à un beau chandelier. Ça fait penser un peu au château, enfin les chandeliers qui étaient à l'ancienne. On imagine avec les lumières, ça doit être très sympa la nuit aussi. C'est un écho à l'époque du château. Oui, des verres à pied. La transparence, des couleurs, le reflet. Le reflet, oui. Et vous voyez, l'artiste qui a réalisé cette œuvre a lui-même soufflé toutes les ampoules qui sont installées. D'accord. Ah, bien. Beau travail. Ouais. Ça vous donne envie de revenir en nocturne pour voir ce que ça donne éclairé ? Oui, bah oui, pourquoi pas. Vous recommanderiez aux auditeurs de Radioactive de venir visiter ce domaine ? Oui, on recommande. Oui, on recommande. Mais quand même pas trop nombreux, parce que quand il y a trop de monde, c'est un peu la foule. Eh bien, merci mesdames, on va vous laisser continuer votre visite, profitez-en. Merci beaucoup, merci, bonne journée. Pour rappel donc, les nocturnes au jardin, c'est tous les soirs jusqu'au 31 août de 22h à minuit. Billetterie ouverte de 21h30 à 23h, l'accès se faisant côté sud du domaine. Toutes les infos complémentaires sur www.domaine-chaumont.fr. Et puis notez bien les rendez-vous à venir avec les botaniques les 21 et 22 septembre. Et puis Quand fleurir est un art du 4 au 8 octobre. On remercie encore l'accueil et la bonne humeur de l'équipe qui vous accueillera avec plaisir. C'est la fin de ce mag. Bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.